Gabriel Nadeau-Dubois a déjà réservé Jésus. Why Jesus? Pour sa plaque. Donc, oubliez ça. Si vous aviez le goût de le faire, c'est trop tard. C'est fini. Il y avait peut-être un cardinal. Le cardinal de Québec, il voulait le faire. Non, c'est fini. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui arrivait premier. Jésus, en lettre majuscule, à part ça, là. Puis Jésus One, hein, aussi. Ouais. S'il l'a réservé. Pour sa mobilette. 9h54. Qu'est-ce que ça donne, donc, les résultats? On n'a pas pris ça en note. J'en ai pas. Je peux jouer le thème, c'est sûr. Juste le thème. Okay. J'aime ça. Le sondage du jour. Une présentation de Morel Live. Je vois même ta fin de conclusion. Donc, selon la firme Morin, Ouellet et compagnie, les gens sont bien contents de pouvoir écrire ce qu'ils veulent sur le plaque.